Chapitre 23e. Sauvons notre enfant. Après la visite de Bouche en cœur, le père Gervais, redoutant un coup du bandit contre Geneviève, avait couru au magasin pour prévenir la jeune fille. Bouche en cœur et Zélie l'avaient devancé. Il s'en revenait désemparé quand il se heurta au lieutenant Fernand Dalmet qui accourait, joyeux, espérant voir Geneviève, en cachette. Le père Gervais, dans son désarroi, mit en quelques mots le jeune homme au courant de la situation. « Quel malheur !» s'écria Fernand. « Juste au moment où nous aurions pu être tous si heureux, vous, père Gervais, car je connais toutes vos aventures, courez chez maître Thirion. Vous y trouverez mon oncle. Dites-lui tout. Moi, je vole chez le comte de Saint-Rion. » Pendant ce temps, dans l'appartement du comte de Saint-Rion, se passait une scène dramatique. Le comte regardait Geneviève longuement. « Oui, » déclara-t-il enfin, « elle ressemble étrangement à Madeleine. Impossible de la renier. Réveillons-la maintenant. Il faut qu'elle commence à prendre son nouveau rôle, qu'elle sache qu'elle est ma fille. » Zygomar alla chercher des sels qu'il passa sous le nez de Geneviève. La jeune fille se réveilla bientôt, écœurée, malade, sous l'influence du narcotique. Mais la vue de ceux qui l'entouraient sembla lui donner des forces. « Bouche en cœur, » s'écria-t-elle. « Vous allez me laisser partir? Je ne veux pas rester ici. Lâchez-moi. » Clouto s'avança doucereux. « Mon enfant, n'ayez aucune crainte. Bouche en cœur n'est pas l'homme que vous avez connu dans les jours douloureux. Je vais m'en aller. Vous êtes ici chez vous, car vous êtes ma fille, votre fille, moi. Non, jamais, je ne veux pas. Cependant, Paulette, ma chère Paulette, vous êtes ma fille. Et depuis longtemps, ma femme adorée, votre chère et tendre mère, maman Madeleine, et moi, le comte de Saint-Rion, nous vous cherchons. » Geneviève ne voulait pas écouter. « Je ne croirais que je suis votre fille que si mon grand-père, le père Gervais, me dit que c'est vrai. »« Paulette, ma fille, mon enfant, soyez raisonnable, écoutez-moi. Non, laissez-moi partir, je veux partir, sortir de cette maison, laissez-moi. » À ce moment, des bruits de voix arrivèrent jusqu'au salon. Fernand sonnait à la porte du comte de Saint-Rion et parlementait si fort avec le domestique qu'il ameutait les autres locataires. La scène menaçant de tourner en scandale, Zygomar accourut y mettre fin. « Comment, c'est vous, Fernand, s'écria-t-il, qui faites ce tapage pour pénétrer chez moi? On ne veut pas me laisser passer. Mes domestiques ont des ordres. Mais vous n'aviez qu'à vous nommer. Entrez. » Il introduisit le lieutenant dans un petit salon, puis il lui demanda « Que voulez-vous? J'avoue que vous me rendiez Geneviève. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Geneviève, la petite fille du père Gervais, connaît pas. Paulette. Paulette, ma fille? Paulette, oui, la fille de Madeleine Marnier et du comte de Saint-Rion. Je suis le comte de Saint-Rion. Non, cria le lieutenant. Non, vous êtes le complice de Bouche en cœur. Mais le comte de Saint-Rion a été assassiné au calvaire de Fontenay, a été brûlé à la tilleuse par Bouche en cœur et Alexandre, le valet de chambre du comte. » Zygomar tressaillit, mais se dominant, il essaya de rire. Quelle histoire! C'est un roman, mon cher Fernand Beau. » À ce moment, un cri l'interrompit. « À moi, au secours, grand-père, Fernand, Fernand !» Le lieutenant bondit. « Ah, je savais bien que Paulette était ici !» Il cria. « Me voici, Paulette !» Comme il se précipitait sur la porte, le comte le repoussa violemment, Fernand revint à la charge. « Laissez-moi passer ou mon épée fera le chemin !» Il tira du fourreau son épée de ville, épée de parade, tandis que Zygomar arracha une panoplie, une épée de combat. La lutte s'engagea. Le lieutenant bondissait sur le comte comme un jeune lion et Zygomar pouvait être atteint. Il dut faire la meilleure parade. Il toucha son adversaire, son épée entra dans l'épaule du lieutenant, l'épaule gauche heureusement. Méprisant la douleur, celui-ci profita de l'instant où le comte gardait encore le bras allongé, son arme dans la plaie de l'adversaire, pour lui enfoncer sa petite épée dans le bras. Le comte poussa un cri de rage. Il retira son épée et allait en frapper de nouveau Fernand quand la porte devant laquelle il se tenait brusquement s'ouvrit. Paulette parut. « Fernand, sauvez-moi! Paulette !» Paulette se jeta dans les bras de Fernand. Le comte hésita à frapper de nouveau. Pour arriver à Fernand, il devait atteindre Paulette. Des coups à la porte. « Au nom de la loi, ouvrez !» Zygomar tressaillit. Il reconnaissait la voix. « Paulin Broquet !» s'écria-t-il. Le parti n'est pas encore perdu, et je venge. À la vie, à la mort. » Saisissant un revolver, il fit feu dans la porte qui s'ouvrait à ce moment-là. Ce fut Bouche en cœur qui reçut la balle. Puis, comme toujours, par enchantement, Zygomar disparut. L'illustre Perpignan n'avait pas de chance, cette fois c'était pour lui à la mort. La balle de Zygomar lui avait traversé la tête. Adieu, Bouchancœur. La suite se devine. Zélie, la belle bourbonnaise, veuve de Bouchancœur, révéla ce qui s'était passé au calvaire de Fontenay, déclara que le comte de Saint-Rion, assassiné, avait été brûlé à la tilleuse. Madeleine, réellement veuve, put épouser enfin son cher ami Jacques. Fernand épousa sa chère Geneviève, sa Paulette. Ainsi que l'avait dit le père Gervais, ils ont trouvé l'oiseau de paradis. C'est le bonheur d'aimer. Ainsi s'achève Zygomar Bouchancœur par Léon Sazy.